En Corée, le corps de création littéraire 15 avril a mis au monde un roman Train de campagne, série de romans intitulé Immortel Guide. Le roman traite la période du début de l'encens du Juche 2011 jusqu'à la fin de décembre de la même année. Il décrit le dernier temps de la vie révolutionnaire du général Kim Jong-il, qui a mené une marche forcée d'une intensité sans pareille à bord du train pour le peuple pendant toute sa vie, pour la prospérité de la Corée socialiste. Il présente aussi la noble fidélité et l'obligation morale du camarade Kim Jong-un, qui a secondé le général et fait continuer à jamais l'histoire sacrée de l'éternité de la mémoire du leader.